Chapitre 8e, Bain de vapeur. Pour affronter le malaise né de son inquiétude concernant la réaction de ce maire à propos du passé de Zara, Karim décide d'aller au hammam. Non pas parce qu'il doit rendre propre son corps, mais pour laver son cerveau. C'est une habitude chez Karim. Les rares fois où il a voyagé à l'étranger, ce qui lui manquait beaucoup, c'est un hammam. Il parcourt les deux courtes ruelles qui séparent sous l'ogive du bain public. Déjà, en entrant dans la salle d'accueil, la chaude atmosphère le détend. Quelques hommes sont là, les uns étendus paisiblement pour se relaxer avant de se laver, d'autres bavardent paisiblement à propos de sujets plus ou moins importants. Lentement, Karim jouit du plaisir de se déshabiller. Ensuite, il pénètre lentement dans la salle des eaux. Une fois à l'intérieur, vêtu d'un simple slip, il aurait souhaité être tout nu, mais la pudeur publique l'interdit. La douce vapeur chaude l'accueille et l'enveloppe. Elle est un miraculeux massage, non seulement pour sa peau et ses muscles, mais également pour ses nerfs et ses pensées. Karim marche du pas le plus calme en cercle afin de stimuler la sortie de la sueur des pores de sa peau. Trois personnes sont dans la salle d'eau chaude. Un adulte avec son enfant d'environ 4 ans et un jeune homme d'une 30aine d'années. L'enfant, tout nu, ah, l'heureux, s'amuse à étendre son corps pour bénéficier de la chaleur du sol. Le père est assis face à une petite cuvette pleine d'eau où deux robinets versent respectivement du liquide chaud et froid. L'adulte se savonne tout le corps. Quant au jeune homme, debout, il se frotte vigoureusement le haut du corps avec une sorte de gant noir à la surface rugueuse. Karim continue à marcher lentement, tout en respirant avec délice la bienfaisante vapeur d'eau. Les quelques lampes diffusent une agréable lumière, ni trop forte ni trop faible. Après quelques minutes, Karim déroule par terre une sorte de tapis qu'il a porté avec lui. Il s'étend sur le dos, il met ses bras le long du corps, ferme les yeux et continue à savourer la chaleur. Progressivement, il la sent pénétrer les pores dilatés de la peau, au point de créer une sorte de charmant étourdissement de l'esprit. Karim aime beaucoup ce moment de vide. Alors, il respire le plus lentement possible, laissant entrer et sortir l'air chaud de ses narines et de ses poumons. En passant les mains sur sa peau, Karim se rend compte de la sueur qui commence à en sortir. Quelle jouissance! Presque gratuite, car le prix d'entrée au bain public est dérisoire. Arrive enfin le moment de s'activer. Karim se remet debout et marche lentement, allant d'un mur à l'autre. Le jeune homme s'approche de lui. « Quoi, frère, veux-tu que je te frotte le dos ? » demande-t-il avec politesse. « Non, merci. Je ne suis pas venu pour me laver, mais uniquement pour jouir de chaleur. Toutefois, si tu veux, je peux te frotter le dos. Je t'en remercie. Le préposé pour ce travail me l'a déjà fait. « Ah, bon. Merci quand même, quoi, pour ton offre. » Karim apprécie énormément cette manière traditionnelle de s'adresser l'un à l'autre, entre inconnus. Pas de monsieur, mais frère. Cependant, Karim regrette avec beaucoup d'amertume la nouvelle mode, venue du Moyen-Orient, plus exactement de sa caste sociale privilégiée, intellectuellement fainéante et néocolonisée. La femme, on ne s'adresse plus par « oukti » ou « amti », sœur ou tante, mais par le terme français-anglais, madame. Et les personnes âgées ne sont plus appelées Ouba ou Bouya et Emma, mais Hadj et Hadja. Respectivement, père, mère, pèlerin, pèlerine, ces deux derniers termes signifiant des personnes ayant accompli le pèlerinage à la Mecque prescrit par le Coran, même si les personnes en question n'y ont jamais été. Ridicule, affligeante régression. Revenons à l'amicale proposition du jeune homme dans le bain pour frotter le dos de Karim. Cette forme traditionnelle de solidarité a toujours profondément touché ce dernier. Des gens inconnus l'un à l'autre se proposent habituellement de se frotter le dos. Très belle forme d'entraide. Gratter le dos d'un inconnu pour le débarrasser des saletés de sa peau, et cela sans aucune gêne. Là est un des plaisirs particuliers que Karim ressent avec une fierté légitime. Cette fraternité humaine totalement désintéressée et si belle. Vient le moment pour Karim de s'asseoir devant la petite cuvette où il ouvre les deux robinets, l'un d'eau froide, l'autre d'eau chaude. Il dose convenablement l'eau, puis, à l'aide d'une tasse qu'il a portée avec lui, il s'asperge d'eau. Il en savoure l'écoulement sur sa peau où il passe vigoureusement ses mains pour éliminer la sueur. Il n'a pas besoin de se laver avec du savon. La douche, prise quotidiennement à la maison, l'en dispense. Une fois satisfait des masses d'eau baignant son corps, Karim sort dans la salle d'accueil. Là, il s'allonge pour la dernière phase de sa relaxation, agrémenté du plaisir d'écouter les propos échangés entre les présents, propos toujours dans l'esprit du lieu, bienveillant. Parfois, il concerne des faits sociaux, généralement des critiques aux méfaits des administrations, généralement souciantes, pour ne pas dire méprisantes, quant à leurs responsabilités envers les citoyens. Karim apprécie aussi bien les propos bienveillants que les critiques. Les premiers lui font aimer le peuple au sein duquel il vit. Les seconds lui indiquent le niveau de conscience et de dignité des citoyens ordinaires, car le hammam n'est pas fréquenté par les privilégiés. Ils préfèrent leur salle de bain privée, dotée de tous les conforts fournis par l'argent. En quittant le hammam, Karim se sent débarrassé de toutes ses inopportunes pensées, spirituellement lavé. Alors ce qu'il a su du désolant passé de celle qu'il aime, il le voit avec un esprit serein, positif. « Une porte se ferme seulement quand une autre s'ouvre », se dit Karim.